Depuis peu, nombre de sépultures de personnages illustres ont été fouillées. Rappelons pour mémoire celles de Louis XI, comme de Ludovico Sforza, duc de Milan, mécène de Léonard de Vinci et décédé à Loche en 1508. Ou tout récemment, celle d'Antoine de la Porte, chanoine retrouvé dans son sarcophage de plomb à la croisée du transept de Notre-Dame de Paris. Parallèlement, d'autres sont aussi étudiés avant réinhumation. La belle Agnès Sorel, maîtresse de Charles VII, trépassée en 1450 à l'âge de 28 ans, pourrait en être un exemple. Si tous, hélas, ne peuvent être identifiés, d'autres deviennent célèbres post-mortem, et notamment après leur fouille. C'est le cas de la momie de Louise de Kangot, noble bretonne, découverte en 2014 au cœur du couvent des Jacobins de Rennes. Arrêtons ce petit inventaire digne d'un point de vue image d'outre-tombe pour nous centrer sur les résultats d'une toute nouvelle recherche autour du sourire d'une dame, Anne d'Allègre, elle aussi passée à la postérité. Pour en parler, Rosane Colter, Delphine Comtesse-Marais, Antoine Galibour, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir. Rosane Colter, vous êtes archéo-anthropologue à l'INRAP et gérez un beau projet autour de l'archéologie, les inégalités et le régime alimentaire, le tout assisté par des isotopes stables. Une recherche issue du programme Action Marie Sklodowska-Curie. Antoine Galibour, Delphine Comtesse-Marais, vous êtes tous deux maîtres de conférences à la faculté de chirurgie dentaire de l'université Paul Sabatier de Toulouse. Tous trois êtes les co-auteurs d'un important article qui vient de paraître dans la revue internationale Journal of Archaeological Science Report. Merci aussi d'être ce soir en ligne de Toulouse et dans les studios de France Bleu Armorique. Laissons de côté l'histoire de princes et de princesses, car en archéologie, tout commence par une découverte. Nous voici donc en 1988, au cœur d'une chapelle fouillée par des archéologues, Rosane Colter. Et oui, c'est ça, c'était une fouille à l'époque de Lafan, donc l'ancêtre de l'INRAP, qui avait été menée par Éric Mar. C'était en amont de la restauration de la chapelle du château de Laval. Et à cette occasion, donc, en ouvrant le sous-sol, ils étaient tombés sur un cercueil en bois qui était très dégradé, sur lequel était posé un cœur en plomb, un cardiotaphe. Et dans ce cercueil en bois qui avait une forme un peu trapézoïdale, on pouvait voir un cercueil anthropomorphe en plomb. Donc il n'y avait pas d'inscription, on ne connaissait pas l'identité, sauf par rapport à la localisation à peu près dans la chapelle, puisque c'était la seule sépulture. Et à l'occasion, alors là on est encore très tôt dans l'histoire de ces découvertes, justement que vous en avez énuméré pas mal dans l'introduction, mais là en 1988 on en connaît encore très peu, et celle-là elle a été étudiée à l'Institut médico-légal de Laval à l'époque, par le docteur Rigaud. Et c'est là qu'ont été faites les premières études anthropologiques, parce que tout de suite, quand ils ont ouvert le cercueil, ils ont vu, encore une fois, du volume, des textiles qui étaient conservés. Il y avait une petite corde qui maintenait ces textiles, ce linceul. Ça ressemblait un peu à la sépulture qu'on a pu trouver à Rennes, comme ça, de Louis Brulon du Plessis. Et donc là, on avait encore, de façon assez précoce, donc une première étude d'un corps parfaitement bien conservé, dans le cadre d'une fouille. On peut parler d'une momie réellement, Rosane Colter ? Alors, on avait des tissus qui étaient des tissus organiques qui étaient conservés. Après, l'étude a été vraiment rapide. Enfin, rapide, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup moins de couverts photographiques que ce qu'on a pu faire après, quand les archéologues ont investi ces salles de médico-légales. Donc, on a une photo en début de recherche. Donc, on voit qu'il y a des tissus, des cheveux, des fragments de peau. Après, on voit qu'il y a des végétaux qui sont conservés, qui ont maintenu ces volumes. Mais après, on n'a pas vraiment une momie aussi bien conservée, par exemple, que celle de Thomas Craven, où on voyait encore toutes les chairs, ou celle de Louise de Kangot, que je connais encore mieux, quoi. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle a été conservée, cette tombe et cette sépulture, et cet individu. Alors oui, et c'est ça qui nous a permis aussi de la réétudier, puisque 35 ans plus tard, elle a toujours été conservée. Elle était dans le musée des sciences de Laval, et elle a été du coup étudiée plusieurs fois. Donc au moment de sa découverte, ensuite elle a fait l'objet d'une thèse de médecine par le docteur Moisdon dans les années 90, puis d'une première publication en 1992, dont on est 4 ans après la découverte. On peut quand même saluer les archéologues de l'époque qui ont quand même très vite publié cette découverte. Et puis, on l'avait ressorti en 2008-2009 pour refaire une étude anthropologique plus globale avec le docteur Philippe Charlier, puisque dans les caves du musée des sciences de Laval, un autre squelette avait été retrouvé, mais alors qui était tout vert, qui était un peu particulier. Et on pensait qu'il pouvait appartenir à son fils, enfin... On pensait qu'il y avait un lien entre ces deux sépultures. Donc là, on aurait eu à Laval, dans la chapelle du château Anne d'Allègre, et puis dans les dépôts de fouilles, on avait peut-être son fils, donc Guy Vin de Laval. Et donc, on a essayé de ressortir ces deux squelettes pour voir si on avait des liens possibles entre les deux, des petits caractères discrets comme ça. Et donc ça a fait l'objet d'une autre publication en 2009. Donc c'est chouette. Comme ça qu'on ait pu conserver aussi ces squelettes sur de longues périodes pour refaire de nouvelles études. Et puis, jusqu'en 2023, où les techniques ont encore évolué pour aller encore de façon plus précise sur la dentition et le sourire d'Anne d'Allègre. Depuis la fouille de Louise de Quingot, que vous avez découverte à Rennes, les cardiotaphes sont très à la mode chez les archéologues. Je sais d'ailleurs que vous donnerez prochainement une conférence sur ce thème. Quoi qu'il en soit, ce type de morcellement des défunts chez les élites du Moyen-Âge et de l'époque moderne reste très curieuse. Alors, c'est d'autant curieux que... par exemple, pour l'exemple d'Anne d'Allègre, on a un cardiotaphe qui est posé sur son cercueil, on n'a pas d'inscription, mais on pense que ça lui appartient. Bon, le problème, c'est qu'à l'époque, les médecins décrivent juste un ensemble amorphe moulé sur les contours de l'urne, donc on n'a pas vraiment de détails anatomiques qui ont été vus, à part peut-être un gros vaisseau qui pourrait être une aorte et puis quelques cordages. Et c'est vraiment, du coup, cette découverte, elle se fait un peu trop tôt parce que on n'a pas fait d'IRM, on n'a pas pu faire de scanner. Mais c'est grâce à ces premières découvertes qu'on a pu augmenter les techniques. Après, c'est un peu bizarre parce que si elle avait son corps, on comprend pas trop l'intérêt de morceler un individu pour le réenterrer en même temps. Donc, si on avait enterré son corps au-dessus de son corps. Donc, c'est pour ça que là, ça aurait été bien de pouvoir faire de l'ADN pour être sûr qu'on avait bien la même personne, et auquel cas ça aurait voulu dire que elle avait peut-être demandé dans son testament à se faire morceler, mais ensuite peut-être que l'église ou là où elle devait amener son cœur n'a peut-être pas voulu. Puisqu'il faut savoir que à l'époque les rois et les reines principalement faisaient ça, ils morcelaient leur chair pour pouvoir avoir plusieurs lieux aussi de sépulture, plusieurs lieux de dévotion. Donc on sait que les rois et les reines étaient tous à Saint-Denis, c'était les caveaux royaux. On sait par rapport à un procès que Saint-Denis, c'est la sépulture royale, mais la sépulture royale est considérée comme là où on enterre la tête. Donc on peut enterrer son cœur ailleurs. On connaît des nombreuses sépultures de cœurs de rois de France au Val-de-Grâce, par exemple, ou chez les jésuites. Et donc cette division du corps, au départ, on pouvait penser que ça servait pour conserver les corps, parce que comme ça on enlevait toutes les chairs et le corps allait se conserver plus longtemps, comme ça on pouvait l'exposer, on pouvait faire des funérailles plus longues. Mais en fait, on se rend compte, notamment avec Louise de Quingot, qu'on a des gens qui sont pas forcément exposés longtemps, mais qu'on peut-être on multiplie vraiment les lieux de dévotion, parce qu'on est dans des siècles où on a des dévotions qui sont très importantes, la religiosité est vraiment prégnante, et ils ont peur de pas pouvoir accéder au paradis. Et puis aussi diviser les cœurs, c'est peut-être aussi montrer aussi son statut, puisque au XIIIe siècle, le pape il avait interdit aussi cette façon de faire. Donc pouvoir transgresser ce que le pape disait, c'était aussi montrer on était au-dessus de la religion papale. En tout cas, côté pathologie, Anne d'Allègre semble bien porter son âge, la soixantaine. Alors oui, on a de nombreuses lésions dégénératives qui ont été vues. On voit qu'elle a de l'arthrose quasiment sur toutes ses articulations. Mais après, on a vu aussi des traces de traumatisme. Donc elle a quelques côtes qui sont fracturées. Ça s'est réossifié depuis, donc elle a probablement eu un accident dans sa vie. Elle est tombée dans un escalier, elle est tombée de charrette. On ne sait pas ce qui s'est passé, on n'a pas les sources là-dessus. Mais on voit cet accident-là. Peut-être que cet accident a aussi entraîné la perte de sa dent. Donc on en parlera peut-être un peu plus tard. Mais autrement, oui, on voit qu'elle a beaucoup d'arthrose, vraiment sur la colonne vertébrale. Elle doit avoir une scoliose. Mais c'est... Elle a même la spida bifida, ce qui est quand même assez terrible. Êtes-vous certaine qu'il puisse bien s'agir d'Anne d'Allègre, puisque rien ne l'atteste réellement? Bah, pour l'instant, on a un faisceau d'indices et cette question de l'identification, ça a été justement l'objet de la thèse du docteur Moisdon à l'époque, donc dans les années 90. Et il montrait ce faisceau d'indices entre le sexe de l'individu, son âge au décès, la localisation de la tombe. On avait donc les sources historiques, le type de sépulture aussi, un cercueil en plomb, c'est quand même réservé à l'aristocratie. Elle est dans un endroit particulier. Pourquoi elle n'est pas non plus enterrée avec les catholiques de l'époque, c'est pareil, ça pouvait renvoyer à une religion particulière, d'autant qu'on sait que les autres comtes de Laval sont enterrés dans le château de Laval. Donc c'est tout ça en fait qui nous propose ce faisceau d'indices, mais comme bien souvent en archéologie, c'est juste un faisceau d'indices qui serait, enfin aujourd'hui en médecine légale, sur un cas comme ça, on irait beaucoup plus loin, on ferait une... Sans doute, on chercherait des preuves ADN qu'on n'a pas ici. C'est pour ça que d'ailleurs que vous êtes penché sur ce cas d'Anne d'Allègre. Parce qu'on avait une identification. Oui, parce que c'était un beau cas. Alors c'est parce qu'on avait une sépulture sur laquelle on avait beaucoup de données. En fait, en archéologie, on aime bien ça, avoir les vestiges les mieux conservés. Souvent, on aime bien avoir une belle stratigraphie, on aime bien avoir que les objets se conservent dans des milieux humides, par exemple. C'est parce que ça nous donne plus d'informations. Donc forcément, quand on a des sujets qui ont une identité, enfin où on propose une identité, tout de suite, ça nous renvoie à un milieu social. Donc ça nous donne encore plus d'informations. Donc c'est juste dans ce cadre-là. Et après, là, en plus, on a eu la chance que ce squelette soit conservé pendant de nombreuses années. Donc, de pouvoir aussi évoluer dans le thème de nos problématiques, de nos questionnements, de nos méthodes aussi de travaux. Donc, et puis là, on a pu se repencher dessus parce que, à l'occasion des rencontres qu'on fait dans sa carrière, voilà, on croise des nouvelles équipes et avec le professeur Telmont sur Toulouse, justement, il y avait cette équipe de dentistes et puis voilà, je trouvais qu'on n'avait pas été assez loin en fait sur ces dents et qu'on pouvait peut-être faire quelque chose, déterminer l'origine de cette pathologie, pourquoi elle avait cette prothèse et est-ce que c'était juste lié à un accident ou est-ce qu'elle avait autre chose en fait. Qui est Anne d'Allègre, une jeune noble huguenote du XVIIe siècle? Alors Anne d'Allègre, on a un peu d'informations sur elle. On a aussi des portraits. Donc ça, c'est on a trois portraits d'elle qui ont été réalisés de son vivant. Donc on sait qu'elle est protestante. On sait qu'elle est donc d'une famille aristocratique. Elle se marie assez jeune avec donc le comte Guivin de Laval, Paul de Coligny. Et donc lui, il va décéder assez rapidement après, mais ils vont avoir un premier enfant. Et à cette occasion, donc elle va se retrouver veuve. Je crois qu'elle a 21 ans. Elle est vraiment très jeune. Et tout de suite, on est pendant les moments des guerres de religion. Ce sont les 8e guerres de religion. Et là, elle va décider de cacher son fils pour l'élever dans la foi protestante, puisque les Guises veulent récupérer ses biens et puis le convertir. Et donc après, on sait qu'elle va se remarier avec un aristocrate normand, le Guillaume de Hautemer, donc qui est le gouverneur de Normandie, qui est plus âgé qu'elle. Et puis c'est pareil, elle va encore devenir veuve quelques années plus tard. On sait sur la fin de sa vie qu'elle roulait carrosse. Enfin, on a des écrits comme quoi elle sortait encore dans la rue, donc pour aller à la messe, qu'elle avait un certain train de vie. Et puis, en fait, on a un petit peu, on dessine un peu cette personne-là sur sa religion, sur ses veuvages, le lien qu'elle a aussi avec ce fils qu'elle va perdre quand il va être relativement jeune. Et sur les tableaux également qu'on connaît, on a une inscription qui a été retrouvée au château de Fervac. Il y a un tableau d'elle et au revers, c'est écrit « Courons, ventre saint de gris, la dame de Fervac mérite prompt retour et de tendres attaques ». Donc on voit qu'elle était un petit peu aussi décriée et sans doute que justement cette prothèse sur le devant, ça devait peut-être faire parler. Ou en tout cas, c'est ce qu'on s'est dit nous au début quand on l'a vue en archéologie. On a tout de suite ramené ça sur sa coquetterie et son parcours d'aristocrate qui voulait peut-être se faire voir. Et en fait, quand on est arrivé sur les pathologies dentaires qu'elle avait qui étaient associées à ça, on s'est rendu compte que ce traitement n'était pas seulement aussi un traitement de coquetterie pour avoir un sourire Hollywood, on va dire, mais qu'on avait qu'on a pu voir derrière qu'elle avait plutôt des marques de stress, qu'elle avait une parodontite, donc qui pouvait aussi être liée encore au stress ou à une alimentation à des choses particulières. Donc c'est tout ça qu'on a pu revoir avec ce cas d'Anne d'Alègre. France Culture, Carbone 14, Vincent Charpentier. Huguenote, Anne d'Alègre est surtout le témoin de la 8e guerre de religion, donc face aux ultra-catholiques menés bien sûr par la famille de Guise et soutenus par Henri III. Toute sa vie sera sous-tendue par le protestantisme. Mais jusqu'à la fin de sa vie, on voit qu'elle a été fidèle au protestantisme et... Pour la petite histoire, son fils Guivin, donc elle l'a élevé dans la foi protestante, et lui, quand il était jeune, il a voulu partir en croisade, et il a rencontré le pape, et il s'est converti au catholicisme, et il est mort quelques mois plus tard. Donc il est mort en Hongrie, donc très loin de chez lui. On a ramené son corps, il a été probablement embaumé pour cela, pour revenir. Et à la fin de sa vie, elle s'est battue pour qu'il soit enterré avec son ascendance dans les lieux protestants. Et parallèlement, il y avait les catholiques qui se battaient pour qu'il soit enterré avec les catholiques. Et ce procès a duré plusieurs années, pendant 3 années, je crois. Et il a été, du coup, son fils exposé sur des tréteaux, comme c'est écrit sur les archives, dans une église à Laval. Et c'était le temps pendant lequel ils se sont décidés pour savoir s'il irait plutôt avec les protestants ou avec les catholiques. Et il a fini, au grand dam de sa mère, avec les catholiques. Donc, elle ne l'a pas vu. Donc, et elle, après, elle est restée quand même, jusqu'à la fin de sa vie, protestante jusqu'au bout, oui. Et dépossédée de ses biens, bien sûr. Et du coup, dépossédée de ses biens, et elle a dû à chaque fois reconquérir ses biens, et elle a mis du temps à retrouver ses fortunes. Donc, on voit qu'elle a une vie beaucoup moins linéaire, en fait, qu'on pouvait le penser, avec beaucoup plus de stress, en fait. Et sur ses dents, ça se voit un petit peu, puisqu'elle a les dents qui sont très abrasées. On a peut-être pu mettre ça en lien avec du bruxisme, c'est-à-dire elle grinçait peut-être des dents la nuit, et ça pouvait être lié aussi à ses états de stress qu'elle avait avec ses états de veuvage, avec la perte de son enfant. En tout cas, dans sa vie trépidante, à 43 ans, Anne d'Alègre est une mondaine qui amuse le tout Paris quand même. Mais oui, c'est ce que je vous disais, elle amuse tout Paris, surtout qu'elle est veuve pour la deuxième fois. Il y a des bruits de mariage qui courent, qu'elle irait peut-être se marier, qu'elle chercherait un troisième mari. Donc oui, ça fait un peu rire le tout Paris. Et nous, on a voulu aussi, peut-être pas pas réhabiliter, parce que c'est pas notre rôle, mais de montrer qu'elle avait peut-être une vie un peu plus compliquée que ça, et voilà. Revenons à la dépouille d'Anne d'Alègre. Si elle est bien perclue d'arthrose, sa bouche possédait une véritable curiosité. Alors oui, dans sa bouche, on a retrouvé, maintenue par des petits fils d'or, une prothèse dentaire donc qui remplace son incisive, donc qui est la dent de devant, une dent centrale. Et cette incisive, elle est faite vraisemblablement dent de l'ivoire. Moi, c'est la première fois que j'en voyais... lors de fouilles archéologiques en contexte, avec le squelette tout autour. Et puis, sur le côté droit de la mâchoire, pareil, au niveau supérieur, on a retrouvé une ligature qui maintient ses prémolaires. Donc, on a deux choses. On a la prothèse, donc une espèce de bridge, et puis l'autre côté, une ligature. Sur l'autre côté, à gauche, sur la partie supérieure du maxillaire, on voit qu'il manque beaucoup de dents. Il lui manque deux molaires, il lui manque une prémolaire. Et sur la dernière prémolaire qui reste, on a un petit témoin, on voit un petit creusement qui pourrait être le témoin d'un ancien fil d'or aussi, qui aurait pu être là aussi une ancienne ligature. Donc peut-être ils avaient aussi essayé de maintenir les dents en les attachant les unes aux autres. Et à force de les attacher, de revenir dessus, de resserrer tout ça, ça a peut-être fait que ça s'est quand même tombé. Donc c'est ce qu'on voit à gauche. Et puis, quand elle est décédée, à droite, elle a encore, du coup, ces ligatures qui sont encore en place dans la bouche. Delphine Comtesse-Marais, Antoine Galibourg, l'étude de la dentition permet-elle d'accéder à des paramètres intimes de la vie d'Anne d'Alègre, qui ne seraient bien sûr pas visibles sur le reste du squelette ? Alors oui, effectivement, nous avons pu étudier de manière plus précise la dentition d'Anne d'Alègre qui était particulièrement bien conservée donc avec Antoine Galibourg et notamment avec l'utilisation de l'imagerie à rayon X avec la tomographie volumique à faisceau conique et le scanner intraoral qui nous ont permis de faire des analyses surfaciques et d'avoir accès en fait à des informations de pertes osseuses ou de visualisation de stries sur ces analyses surfaciques. qui permettent de confirmer l'état parodontal, la parodontite donc dont elle était atteinte, qui était particulièrement sévère, avec un stade et un grade très avancé si on se réfère à la nouvelle classification de la maladie parodontale établie par les experts en parodontologie en 2018, et qui s'associe avec une défaillance de l'hôte et donc un système immunitaire plutôt affaibli, ce que l'on retrouve aussi notamment à la fin de vie d'Anne d'Allègre avec un affaiblissement général important. Elle serait atteinte de parodontite, c'est bien ça? C'est une maladie très fréquente encore de nos jours, Antoine Galibourg? Oui, tout à fait, c'est une maladie très fréquente, c'est une maladie bactérienne qui aboutit, si elle n'est pas traitée, à la destruction des tissus de soutien des dents, du ligament, de l'os, des gencives. Et puis ça, c'est assez étonnant de trouver à cette époque un traitement, en l'occurrence qui n'a pas marché pour traiter la parodontite, alors qu'en fait, à cette époque-là, c'était les arracheurs de dents. Ce qui est étonnant, c'est de voir que donc Anne d'Allègre était de Laval, Ambroise Paré est né à Laval 50 ans plus tôt, et le père de la dentisterie est né juste au-dessus de la ville de Laval, en 1679. Donc en fait, c'est une région qui finalement serait peut-être à l'origine d'un mouvement sur les soins dentaires. Ce traitement thérapeutique semble totalement inapproprié et aurait eu des effets dévastateurs pour Anne d'Allègre, Rosenkolter. Oui, la prothèse, elle a été posée vraiment au contact de la gencive et du coup, ça a dû entretenir une gingivite et ça a pas du tout, la gingivite, ça s'est pas amélioré quoi, vu que ça touchait vraiment la gencive et cette gingivite a dû aggraver encore l'inflammation. En plus, on a dû forcément, c'est ce qu'expliquaient Antoine et Delphine, il a forcément fallu revenir plusieurs fois pour resserrer régulièrement cette prothèse sur le devant. Et l'absence de dents à gauche, c'est pour nous, avec ce petit témoin, ça montre le processus en fait où la gingivite est entretenue, l'inflammation est entretenue, continue, et du coup, on resserre quand même les dents et au final, ces dents sont de plus en plus mobiles et elles tombent, quoi. Mais même si c'est dévastateur, c'est quand même très ingénieux d'avoir pensé à ce type d'intervention. On est au XVIIe siècle, hein. C'est des traitements, on ne fait pas exactement pareil, mais on est quand même dans la même idée aujourd'hui. Quand on traite de parodontite, on met des choses pour maintenir les dents, sauf qu'on est beaucoup plus bas et on va pas toucher du coup la gencive pour pas entretenir cette gingivite. Oui, mais dentisterie et archéologie, voici bien sûr un thème qui a été quand même qui est très étudié. On se souvient des dents percées du site de Mergard appartenant à la civilisation de l'Indus, d'une prothèse de fer gauloise même, de queues plaques d'or tenant des dents étrusques. Visiblement, beaucoup d'articles portent sur ce sujet de recherche. Alors oui, c'est vrai que nous, on a eu la chance de pouvoir s'appuyer sur une bibliographie qui est bien dense sur le sujet. On se souvient aussi d'Hérodote, quand lui visitait l'Égypte, il disait qu'il n'y avait pas un médecin qui travaillait pour l'ensemble des pathologies, mais au contraire qu'il y avait des spécialistes pour tout, un spécialiste pour les yeux, un spécialiste pour la tête, pour les dents. Donc il y avait déjà peut-être, dans ces civilisations aussi égyptiennes, on retrouve aussi beaucoup de dents, de prothèses. On ne sait pas si c'est vraiment porté, si c'est des amulettes. C'est vrai que la prothèse en fer gauloise de Chantambre, elle est aussi exceptionnelle. Après, l'originalité, c'est vraiment le métal, là, pour le coup, qui avait été utilisé, le fer, alors que nous, on est plutôt avec l'or, justement, un métal plutôt antiseptique, qui va mieux se conserver sur la bouche. Donc là, c'est vrai qu'on a une bibliographie intéressante, mais comme le disait Antoine, le début de la dentisterie moderne, ça va vraiment être avec Pierre Fauchard, on va quelques années après Anne d'Allègre. Les premiers sets de surfaçage où on voit où on nettoie bien correctement les dents, il y en a un qui est conservé au British Museum, il date de cette même période, donc on voit qu'il y a un soin important. Et puis là, sur Anne d'Allègre, le cas qui est vraiment intéressant aussi, c'est qu'on a un contexte qui est bien maîtrisé, bien maintenu. La fouille archéologique qui a été faite à la fin des années 80, elle est exemplaire. Donc, on a quand même toutes les informations. On sait exactement comment ont été posés les fils dans la bouche. Et c'est ce contexte-là aussi, puisqu'on connaît une prothèse plus récente qui a été trouvée dans une église à Paris, mais elle provient d'un ossuaire. Donc, elle est hors contexte. Là, on a la bouche. Et puis, comme on a l'histoire d'Anne d'Allègre, l'ensemble peut nous éclairer, quoi. Reste la grande question. Pourquoi l'implantation d'un tel appareil, Rosenkolter? Eh ben, il devait y avoir un triple objectif, donc thérapeutique. On pouvait essayer de soigner cette parodontite. Il pouvait aussi être esthétique quand même. Elle pouvait rechercher un côté de présentation, puisque ça devait quand même, c'était quand même très bien fait. On voit que la prothèse, il y a des petites rainures qui ont été faites, donc elle s'encastre bien dans la bouche. Mais il y avait probablement aussi un côté sociétal où il fallait, où la santé mentale à l'époque était peut-être sans doute lié à la santé physique, et si on voulait avoir une parole qui était claire et qui était bien vue, il fallait sans doute aussi avoir un beau sourire. C'était sans doute important aussi pour elle d'avoir toutes ses dents. Donc il fallait qu'elle tienne son rang en tant que femme dans la société. Bon, on est dans une société patriarcale et on sait qu'Ambroise Paré avait dit que si un malade est édenté ou défiguré, son discours devient complètement dépravé. Et du coup, le fait de poser une dent aussi, ben ça lui permet justement de ne plus avoir ce discours édenté. Quand on sait aussi que les malades à l'époque, ils sont considérés malades parce qu'ils, enfin c'est aussi une punition divine, c'est pas on est malade et voilà, c'est donc lutter aussi contre ça, c'était aussi garder la santé physique et mentale était vraiment très très liée quoi. Pour vous, Rosane Colter, ces recherches sur Anne d'Alègre rentrent surtout dans votre programme de recherche centré sur les inégalités sociales et leurs répercussions biologiques? Mais oui, parce que les soins dentaires, ça, dans ce cas présent, ça marque vraiment un vrai marqueur social en fait. L'archéologie, elle va s'intéresser à toutes les populations du passé, c'est pas forcément à ceux qui sont identifiés. Et ici, Anne d'Alègre fait partie des 10%, voire même des 1% de la population qui ont eu un traitement dentaire. Et ici, le traitement dentaire, et en plus, il est vraiment bien vu, hein. C'est pas juste un traitement de carie, c'est, voilà, on a posé une prothèse. Et donc, c'est toujours intéressant pour, quand on travaille sur les indiqués, de caractériser la norme, la masse des gens, et puis de voir qui s'en écarte, comment, pourquoi. Et cette publication, elle participe un peu, comme ça, de cette manière-là, à la connaissance des inégalités du passé aussi, pour essayer de voir, dans les mêmes temps, il y a des gens, on arrache les dents, c'est la majorité de la population, et puis à côté, certaines personnes, on va essayer de leur poser des prothèses. L'archéologie porte généralement sur des communautés anonymes, des individus dont on ne connaît l'histoire individuelle. À l'image des travaux de Philippe Charlier, y a-t-il avantage à œuvrer sur des personnalités historiques, ceux de la grande histoire, Rosane Colter? C'est ce qu'on appelle la pathographie, donc c'est une branche de la paléopathologie qui va s'intéresser à des études médicales de restes humains identifiés. Donc c'est une discipline qui avait été créée par le professeur Thillot dans les mêmes années qu'on avait trouvé Anne d'Alègre, dans les années 90. Et comme je disais, les archéologues préfèrent toujours avoir des sujets ou des vestiges bien conservés. Pour nous, ces identifications-là, ça permet ça, mais en même temps, l'archéologie, c'est l'histoire de tous, pas seulement des personnes identifiées, mais l'identification permet de susciter plus de curiosité de la part du public. On peut penser comme ça à la tombe d'Alain Fournier qui avait été super bien publiée par Frédéric Adam. Et dans cette tombe de la Première Guerre mondiale, il avait étudié tous les soldats de la même façon, que ce soit Alain Fournier ou les autres. Donc voilà, c'est pour étudier l'ensemble de la population. Un grand merci, Rosane Colter, Delphine Comtesse-Marais, Antoine Galibour. Carbone 14 était réalisé par Vanessa Nadja. À la technique, Nicolas Depagraf et Ferdinand Prévost de France Bleu Armorique. Et bien sûr, avec le concours de Sandrine Chaperon. Vous pouvez écouter ou podcaster Carbone 14 sur le site de France Culture et l'application Radio France, ou retrouver plus de 300 archives sur le site inrap.fr.